Oh shit! Oh! Hey, votre enfant, es-tu correct? Ah oh, ouais, mais là, t'as-tu vu ça? Jacob! Oh, ça va? Oh non! Oh, wow. Hey, you là? You Contrairement à 4 millions d'Américains, il n'est pas membre de la NRA. Il n'a donc aucune chance de se tirer dans le pied. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Baudier! Merci, merci, wow! Hey, wow! Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19 ans, hein? Ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de la mort de Camille Sanson. L'inventeur du populisme moderne au Québec quand même. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous êtes en deuil. Ben, pas tant que ça. Il nous reste quand même Mario Dumont, hein? Faut pas l'oublier. C'est ça que je disais. Vous êtes en deuil. Ouais, un peu, finalement. Bon. Hey, grosse semaine quand même, grosse semaine. Et ça a commencé sur des chapeaux de roue, hein? Avec la première allocution d'André Boisclair, hein, en poste à New York, alors qu'il soulignait les 40 ans des ballets de jazz de Montréal. Hein? Je savais même pas que le ballet de jazz existait encore. Ben lui non plus, hein, parce qu'il a plutôt souligné l'anniversaire des grands ballets canadiens qui fêtent cette année absolument rien. Hein? Hey! Bon, regarde. Hey, ben finalement, ça va nous faire tout un délégué du Canada à New York. Oui, ben dans le fond, quand on y pense, ça va être fou. Ça va être fou, je vous le dis. Justement, bon, parlant de folie, ça va être difficile de passer à côté de la tuerie et du carnage de Newtown, évidemment, cette semaine. Rappelons que le tueur s'est emparé de la vie de plus de 20 jeunes enfants. Ainsi que de la décence de centaines de journalistes. Ah hein? Oh, oui, eh oui, ça c'est triste aussi, oui. Et même quasiment pas mal plus. Oui. Envoyer Céline Galipeau sur place pour y faire interviewer deux francophones, puis trois enfants qui braillent, du grand journalisme, mesdames et messieurs. Hein? Faut dire que les journalistes sont habitués à cette heure. Ils ont fait juste ça pendant le printemps arabe, interviewer des enfants. Ah! Ouais, puis ça donnait ce que ça donnait. Ouais, hein, quand même. Bon. Toujours est-il que ça servira peut-être à quelque chose, tout ça, hein, parce qu'Obama voudrait, ça, on a appris ça cette semaine, là, voudrait interdire les armes d'assaut. Seulement les semi-automatiques. Ouh! Hey, j'ai eu peur. Ben oui. J'ai eu peur. Les parents vont donc pouvoir continuer de reconduire leurs enfants à l'école armés de fusils d'épaule. Oui, c'est comme la seule chose qui peut se mettre sur les épaules, visiblement, un fusil. Ben oui, mais il me semble qu'une tête, hein, ça fit bien mieux sur une épaule. Ouais. Quoi qu'eux autres, hein? C'est pas gratis. Ah, c'est aux États-Unis. Ouais. Ils doivent en vendre chez Walmart. Anyway. En tout cas, une chose est certaine, là. Si le petit bébé, hein, qui s'est fait prendre par un ex sur le Mont-Royal avait un gun, ben ça serait pas arrivé, ça. Mais qu'est-ce que le PQ attend pour agir? Ah ouais, ben surtout que les ex, ça doit pas payer d'impôts en plus. Le PQ est à la solde de l'industrie de l'ex, c'est ça la vérité. Ouais, bon, on rit bien, mais c'était pas une vraie vidéo, Fred, quand même. Pas grave, c'est la faute au PQ, pareil. Ouais, ouais, il y a tout le temps moyen de rendre ça au PQ. D'ailleurs, parlant de choses qui se peuvent pas, là, il y a Léo Bureau-Bloin qui a eu 21 ans cette semaine. Ouais, vous êtes sûr que c'est pas 61 ans? Ben non, c'est 21, mais il grandit en année de chien. Ah! C'est pour ça qu'il est doux. C'est pour ça qu'il a de l'air vieux de même, qu'il est si jeune. Non, mais d'ailleurs, pour son anniversaire, Léo Bureau a lancé une plateforme de consultation citoyenne. Hein, et tout ça sur le réseau social Cocorico. Oh, yeah, excitant. Oui. C'est oui. Quoi ça, Cocorico? Ouais, c'est... non, mais c'est une bonne question. Oui. C'est comme un Facebook, mais pas connu, ah, je pense. Hein, ouais. En fait, il y a François Rebello qui est là-dessus. Ah, okay. Ah, il paraît qu'il y a des... Il y a des amis, là, le bonhomme, là-dessus, une affaire de fou. On a eu une bonne nouvelle cette semaine. Il y a eu le ministre de l'Emploi, Agnès Maltais, oui. Qui a annoncé que le salaire minimum allait augmenter de 25 cents, ce qui veut dire qu'il va atteindre 10,15 $ dès le 1er mai. Hein? Ah, ça veut dire qu'en juin, il va être rendu à 9,50 $. Ah oui, avec le recul du PQ. Ben oui. Ah ben c'est ça. Hey. À la fin du mandat, il va bien être rendu à 6 $. Alors, faut pas qu'il dure 4 ans. Ah non, non, non. On va payer pour travailler. Ben oui. Ben non, non. Hey, parlant de recul, il y a la presse hein, qui publiait cette semaine une série d'articles sur les thérapies pour guérir l'homosexualité. Vous avez vu ça, hein? Ah, ouais. Ça confirme que le ballet jazz existe, finalement. Ah, Fred. Quand même, là. Non, mais quand tu y penses, 12 000 $ pour jouer dans la bonne équipe, là, me semble que c'est cher un peu, non? Ah, mais je pense, non, mais c'est parce que au privé. C'est pour ça que c'est cher. Ah, vous pensez? Ben oui. Alors, dans le fond, si ça avait été au public, là, un, ça aurait pris du temps. Oui. Puis deux, il y aurait eu des dangers d'attraper la bactérie mangeuse de chair. Ouais, ça. Quoique. Enfin, bon. Hey, parlant de ça, non, regarde. Non, hey. Parlant de ça, il y a la Grèce, qui a eu enfin une bonne nouvelle oui. Cette semaine. Oui. La firme Standard & Poor's, je pense que c'est le nom que ça s'appelle. Oui, ouais. Astor, oui. A relevé, sans blague, a relevé la cote de crédit de la Grèce, qui oui. Passe maintenant de L à K. Ah, hey, ça va bien. Ils sont en business. Non, non, mais en même temps, c'est pas évident pour un pays qui a changé de monnaie en plus, là, quand même. C'est vrai, je pense qu'ils ont, ils ont passé de l'euro à l'inflation, ouais, qui appelle ça. Ouais, ouais, c'est une drôle de monnaie, ça. Hein? Ouais. Après que ça coule, ça. Ah, ça, ouais, ça, ça, ça, ça part tout de suite. En tout cas, parlant d'affaires qui coulent, justement, on parle de Silvio Berlusconi. On a entendu. Non, mais. On a entendu qu'il serait intéressé par la présidence italienne. Oui, hein? Je ne sais pas si vous avez vu sa nouvelle compagne. Ah hein? Oui, j'ai vu ça. 50 ans de différence. Oui, pas une blague. 50 ans de différence. Hey, ça, là, non, non, mais c'est comme si je sortais avec une fille qui va venir au monde en 2029. Ah, calculez ça comme vous voulez. Là, c'est mais... malade. Hein? Tout se met de commencer par sa mère, finalement. Mais je vais te dire, même sa mère, ça fait jeune un peu. Ah ouais, hein? J'irai avec la grand-mère tout de suite. Non, non, non. Hey. Bon, on va revenir sur Terre avec nos invités. On reçoit tout d'abord Pierre Curzi, oui. Hein, qui sortait d'ailleurs avec une jeune poulette dans le déclin de l'Empire américain. On s'en souvient, hein? Il jasait d'histoire avec elle. Non, en fait, non, non. Il jaillissait d'histoire avec elle. C'était cochon, ce film-là. Hein? Ah, fou. C'est fou. Ah ouais. Enfin, parlant de cinéphilie, on accueille également la chroniqueuse au journal La Presse, Nathalie Petrovski. Oui, l'auteur de Maman Lascal, que j'ai pas lu, malheureusement. Ah, et que je n'ai pas vu. Hein? Ah, mais ben, on a encore le temps, parce que la soirée est encore jeune. Bon! Olivier, oui. Les internets. Ben les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront répondre à Stéphane Gendron qui se cherche un endroit exotique où faire la chose avec sa blonde. Ben oui, hein? Je trouve ça le fun d'envoyer ça sur les réseaux sociaux, ben oui. Moi. Oui. Hein? Manque d'inspiration. Ben oui, c'est tout. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler de ne pas manquer notre spécial de fin d'année de 2 heures de la veillée est encore jeune, diffusé le 31 décembre, c'est à 18h et le 1er janvier en reprise à 20h. On reçoit Amir Kadir, Pierre Duchesne, Gabriel Nadeau-Dubois, Denis Coderre et Gilles Duceppe. Ça va être de la fun. Un gros line-up. Ah oui, ça va être de la fun. Hey, grosse semaine d'actualité. Hein, grosse semaine d'actualité. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la libération de Guy Turcotte. Hein. Bon, j'attendrai l'épiphanie, moi. Ah oui? Ouais. Ah oui, la fête avec la bine dans la galette. Ouais. Là. Ouais, un morceau de galette avec un petit shooter de la glace, ça passe tout ça. Ah oui? Ça va être plus drôle à ce moment-là? Peut-être! OK, ben, on en parlera. Hey, ça fait des siècles que les Mayas nous l'avaient annoncé et des mois que les médias spinent là-dessus. C'était enfin la fin du monde ce matin! Ouais. Hey, et il reste toutefois quelques raisons de se réjouir et c'est pourquoi l'apocalypse a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors voici notre top 5 des choses qu'on est bien content de voir disparaître. En cinquième position... Les reculs du PQ. Non, je compterais pas là-dessus, Jean-Philippe. Je pense qu'ils ont passé un décret sur la fin du monde. Ils ont reculé sur la fin du monde? Ah, ils sont faits solides. Oui. OK. En quatrième position, fini le lock-out de la Ligue nationale de hockey. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Hockey? C'est quoi ça? Ben oui, l'affaire, là. Ah oui, là, il me semble qu'il y avait une gang de gars qui jouaient ensemble, là, puis qui poussaient une affaire avec des bâtons. Hein, on... Ah, et sauna! Non! Là, OK! Laissez non, on faire. On est-tu rendu à piment fort, disons? Ouais. C'était bon, piment fort, hein? OK, en troisième position, le prochain film de Guillaume Lepage. Ah ben oui, hein? On s'ennuiera pas de ça. Ça va être quoi, d'ailleurs? Camping Bossé 4 à la recherche de la peau, je pense. Pas certain qu'on a le droit de rire de Guillaume Lepage à Radio-Canada. Ben, on s'en sert que c'est la fin du monde. Ah, OK. En deuxième position, des choses qu'on est bien content de voir disparaître, le Journal de Montréal. Ben non, ils vont rester. Ben là, frère, c'est la fin du monde pour ben tout non. le monde. Non, ils se sont désaffiliés et du conseil de presse et de la réalité. Et de la réalité, mon Dieu. Ils sont donc bien plates. OK. Et la première chose qu'on est bien content de voir disparaître, les maudits jokes à la fin du monde. Oui! Hey, on n'était plus capable, hein? Ah non, moi, ça fait 5 minutes que je m'écœure. Ah oui, moi aussi, je vais aller me laver tout de suite après chaud. Fred, notre premier invité. Reconnu pour ses rôles dans le déclin de l'Empire américain et les ploufs, il a fait le saut en politique au PQ pour ensuite faire cavalier seul comme député indépendant. Mais depuis le 4 septembre, il est seulement indépendant. Accueillons M. Pierre Curzi! Bonjour! Bonsoir, bonsoir! Ah! Ah, indépendant d'indépendance! Hey, oui, complètement indépendant. Comment ça va, M. Curzi? Ça va super bien! C'est vrai? Ah ouais. Ben, je me disais, là, c'est le temps des fêtes. Puis là, est-ce que vous êtes seul, M. Curzi, ce temps-ci? Non, non. C'est... Plus de famille politique? Oui, non, mais j'ai quand même des gens qui sont près de moi. Encore? Famille, amis. J'ai quelques amis. Ah oui? Il me reste quelques amis. Ils sont restés? Oui, mais des indépendants. Ils sont très indépendants d'esprit. Alors, ils essaient de ne pas me voir, de ne pas me parler parce qu'ils sont très, très... Ben non, je comprends ça. Ouais. Mais là, écoutez, on a l'impression... Non, non, mais c'est parce que vous avez passé la dernière année, en fait, sur la voie d'accotement. Hein. On attendait les prochaines élections. Ben, les prochaines élections sont venues. Vous avez quitté la scène politique. Et là, on se demande, est-ce que vous avez l'impression que vous avez déçu bien du monde avec votre passage en politique? C'est une bonne question parce que tout le monde vous annonçait contre le prochain sauveur. C'est le prochain sauveur, M. Curzi. Puis là, bang, bing, bang, on en a parlé. Ben, je ne sais pas quelle est votre opinion. Est-ce que je vous ai déçu en quittant la politique? Je ferai attention à poser les questions. Même, on... Dites oui. Dites oui pour le... Dites le... oui. Oui. Ouais. Ah, bon, vous voyez? Ils ne sont pas convaincus. Non, mais... Ah, mais je ne sais pas. J'ai dû faire plaisir à bien du monde en restant comme ça sur la voie d'évitement. Puis probablement qu'il y a quelques cœurs brisés dans les citoyens. Ben, c'est ça qu'on se disait. Parce qu'ils voyaient en moi le sauveur que peut-être que je suis. Et Dieu sait, peut-être que demain, lendemain de la fin du monde, si j'ai un nouveau jour, j'apparaîtrai. Ah, ben, il y aurait peut-être dans cette espèce de monde futuriste dans lequel nous allons. Il y aurait peut-être un parti à créer. À mon avis, ça veut dire que Option nationale n'existera plus. Peut-être. Fait qu'il y a une ouverture, là, peut-être. Ah, remplacer Jean-Martin Rostand, ouais. J'irais plus loin que ça, quand même. La barre n'est pas bien haute. Plus d'ambition que ça. Non, mais quand vous êtes entré en politique, là, quand vous êtes entré en politique, vous aviez des ambitions plus que d'être député pendant 4 ans? Oui. C'était quoi ses ambitions, là, être premier ministre? Pour vrai, là. Incontestablement, c'est sûr que j'aime beaucoup. Non, mais le pouvoir, c'est quelque chose de mystérieux, non? Ouais, ben vous qui en avez, vous le savez ce que écoute, c'est. Ça manipulé avec soin. Ouais, ben, alors, sais. Quand on rentre dans la politique, c'est ça qu'on veut. On veut avoir du pouvoir. Ben ouais. Parce qu'on se dit, on va faire quelque chose d'intelligent avec. Voilà. C'est ça. Mais en même temps, c'est pas quelque chose d'essentiel pour vivre. Alors, après votre premier, en fait, votre passage en politique, vous avez dit, ben, coudonc, j'ai pas besoin de ça. C'est un peu ça? Ouais, ben, dans un sens, si tu peux pas faire quelque chose avec le pouvoir, peut-être que t'es mieux de pas en avoir. Parce que là, c'est fâchant, parce que vous êtes parti juste avant que le PQ soit élu. Comme mauvais timing. Ben oui, ça m'est arrivé quelquefois. On se demande si c'est pas relié. Ouais, c'est bien maudit tout ça. Non, mais faut se poser la question parce qu'en 2010, le baromètre des personnalités politiques québécoises, ça sort à chaque année cette histoire-là, c'est Le Devoir qui fait ça. Il avait publié que vous arriviez deuxième avec 43 % d'opinions favorables. Ça, c'était 7 % de plus que Pauline Marois. Ça, c'est pas rien. Puis, le tournage d'avant, j'étais arrivé premier. Ben oui! Mais je sais. Fait que vous étiez sur une pente descendante déjà. Exactement, c'est ça. plus ça allait mal. Ça. Avant vraiment d'être dans la cave, je me suis dit, vaut mieux partir. C'est franchement intéressant parce que Stéphane Laporte avait écrit à ce moment-là, et là, je le cite, Pierre Curzi, est-ce qu'il est le Ronald Reagan de la gauche québécoise? Un acteur dont le plus grand rôle sera de diriger son peuple. Je parierais un 2 là-dessus. Avant longtemps, Pierre Curzi deviendra le chef le plus populaire du PQ depuis Lucien Bouchard. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas tous le même souvenir de Lucien Bouchard. Mais qu'est-ce que... Je suis pas sûr que la comparaison vraiment me séduit à ce point-là. Ben Ronald Reagan, à part d'être mort, il était fun, là. Il était fun. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, à quel moment? Ben, quand Stéphane a écrit ça, sais pas, il avait fumé quelque chose d'invraisemblable. Parce que, ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est une maudite bonne question. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. D'abord, ça a pris 4 ans avant que ça se passe. 3 ans avant que ça se passe. 4 ans avant que ça se passe. Mandat, qu'est-ce là. Qui s'est passé pour le vrai? Ouais. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que vu de l'intérieur, on peut questionner certaines façons de faire de la politique. Puis, à force de se poser des questions, on se dit, mais vraiment, est-ce que ça m'intéresse d'être dans cette machine-là telle qu'elle fonctionne? On se dit, non, donc, moi, avec ma stature, je vais pouvoir modifier profondément le cours des choses. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, formidable. Ben, je suis là, il n'y a rien qui a changé. Tout va pareil comme avant. Donc, ça a fonctionné totalement. Parce que là, on peut se poser la question en rétrospective, est-ce que c'était une bonne idée de comploter avec Lisette Lapointe et M. Hossan pour déloger Pauline? Parce que, bon, si on regarde M. Hossan, ben ça a bien été pour lui. Oui, hein? Oui, oui. Lisette aussi. Non, en fait, ça n'a pas bien été pour personne dans cette gang-là. Ça n'a pas marché pas en tout. Ben non, je le sais. On avait fomenté ça avec soin, évidemment. Pour vrai? Et puis, il y avait des accointances secrètes dont je ne parlerai pas ici. Ben non, je comprends donc. Plusieurs membres étaient impliqués. Maintenant, ils ont changé de visage, mais ils sont toujours là dans l'ombre. On avait fomenté c'était imminent. Là. Ouais. Tout devait exploser. Et puis, je ne sais pas, pétard mouillé. Ben oui. Je sais pas. C'est le destin, le fatum, je pense. Ben oui, c'est plate de chez plate. J'ai tombé dessus. C'est maudit, ça, quand ça tombe dessus. Ben oui, c'est bien tannant, ça. Comme, c'est ça. mais tellement que vous avez dit, bon, écoutez, ça n'a pas fonctionné, je reviendrai bien au PQ si vous me donnez la charge de la Charte de la langue française, de la réforme de la Charte. Ouais. Bon, on n'a pas accepté Pauline. Ça n'a pas marché. Ben non. On a essayé de s'entendre, ça n'a pas marché. C'est dommage. Mais est-ce que vous l'aimez, Pauline? Est-ce qu'il y a une bonne relation avec Pauline et vous? Oui, on s'entend bien. Ça paraît pas tant que ça. Non, je sais. Mais les apparences sont trompeuses, ah, okay. Parce qu'on s'entend bien, finalement. Ah, oui? On s'entend vraiment puis là, bien. Avoir su que vous entendiez si bien, parce qu'elle n'avait pas voulu me redonner ce qui m'apparaissait le plus intéressant pour moi. Enfin, ce que je connaissais le mieux. Ah, c'est ben, juste ça. Mais là, je connaissais ils fait, ça bien, là, la réforme, langue. Hein. J'ai dit, moi, je voudrais m'occuper de ça parce que je connais ça bien. Là, ça fait longtemps que je travaille là-dedans. J'étudie toutes sortes de mesures. Mais elle voulait le donner à qui, donc? Ben, je pense que secrètement, elle aurait aimé ça me le donner. Mais elle ne voulait pas le dire officiellement. Elle gênait, elle aurait voulu attendre, ça. Il y a eu comme un phénomène de gêne. Moi, je me suis dit, mais là, ça ne veut pas me le donner maintenant. Vas-tu me le donner plus tard? Puis, je ne savais pas trop. C'est une de ses qualités d'être gênée, Apolline, parce que, honnêtement, elle a été gênée à plusieurs reprises durant le courant de ses 100 premiers jours. Oui. Elle a été gênée de la nomination d'André Boisclair, gênée du double salaire de choses, de M. Lisée. Oui. Elle a été gênée souvent. Mais cela dit. Mais vous, il l'appelle Madame sans gêne. Pour vrai? Ben, ça paraît pas. On en pense quoi maintenant que ça fait 100 jours que le gouvernement est au pouvoir? Là, on pense quoi du gouvernement du PQ? On pense qu'il se passe exactement ce que le PQ, ce qu'on prévoyait qu'il se passerait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le fait d'être minoritaire pour le PQ, ça fait. C'est une situation qui est peut-être jusqu'à un certain point idéale pour eux. Ils n'ont pas à affronter complètement les contradictions qu'ils véhiculent. Et ça, c'est vous weird. Vous trouvez qu'il y a quelques contradictions à l'intérieur. Ouais. Et là, ils sont pris pour. Ils sont dans l'impuissance de pouvoir aller vraiment de l'avant. L'audace ne peut pas être aussi audacieuse. Donc, elle est plus prudente. Donc, entre l'audace et la prudence, il y a comme... On se verse. Mais c'est ça, justement, le... Il y a quoi? C'est comme un recul. Ouais, ben pas. Mais il y a des choses qui sont... Moi, il y a beaucoup de gens que j'aime bien là-dedans, puis je trouve que je suis convaincu qu'ils travaillent fort, puis honnêtement, je pense qu'ils vont, remettre un peu d'ordre dans la maison. Mais en même temps, c'est drôle, parce qu'on a déposé le budget il n'y a pas si longtemps, et la plupart des analystes ont dit que ce budget-là est un budget libéral, ou même caquiste à quelques égards. On est en train de se demander, ça vaut-tu la peine de se faire des élections, là, tant qu'à se passer la poque sur 2 mètres de large, là, maintenant, ça devient plate. On tous veut laisser le PQ en place. Ben, ou le PLQ, ou la CAQ, ou peu importe, bon, je veux dire, ça ne changera pas grand-chose. Mais ça, je ne suis pas sûr. Parce que quand même, il y a des choses décrites dans la plateforme du PQ, et malgré tout, c'est comme une infusion, tu sais, ça infuse tranquillement, Mais la marge budgétaire est tellement étroite que ça, c'est une maudite bonne raison pour ne pas aller aussi loin qu'on voudrait. Et c'est embêtant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge budgétaire. Puis, jumelé au fait d'être minoritaire, tu as toutes les raisons du monde pour ne pas entreprendre ce que tout ton programme te dit que tu devrais entreprendre. C'est maudit comme situation. Mais là, c'est... Honnêtement, j'ai pas trop de regrets de ne pas être... Ben non, c'est ça, je t'entends. Non, mais tu sais, c'est comme... Ça, je me dis, c'est comme pieds et poings liés, allons affronter, allons faire un scrum, pieds et poings liés. Ça a l'air plate de chez plate, ton gouvernement, ce temps-ci. Pas trop. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, parce que maintenant, vous pouvez reprendre votre métier de comédien. Vous restez avec nous, je vous en prie. Ben oui, c'est merveilleux. On va recevoir justement Nathalie Petrovski. On le sait, tout le monde, 2012 a été une grosse année en matière de corruption au Québec. Heureusement, grâce à des entreprises d'ici, on a pu exporter notre expertise à travers le monde entier. C'est d'ailleurs notre bonne nouvelle économique du jour. On écoute. Il fut un temps où les entreprises québécoises ne faisaient pas le poids en matière de corruption. Mais tout cela a changé grâce à SNC-Lavalois. De la Libye au Bangladesh, en passant par la Suisse, des dizaines d'enquêtes témoignent de notre expertise en fraude. Combien d'entreprises québécoises peuvent se vanter d'avoir plus d'un milliard en recours collectif? Des centaines de millions en contrats douteux à travers le monde et plusieurs ex-dirigeants dans le caca. Notre expertise nous a permis de devenir le partenaire d'affaires privilégié de Muammar Kadhafi, un homme qui nous manque beaucoup. Malgré des activités aux quatre coins du globe, SNC-Lavalois est fier de fourrer avant tout les gens d'ici. SNC-Lavalois, l'éthique en affaires, c'est pas de nos affaires. Vous supposez revenir l'année prochaine? Oui, nous. C'est un test qu'on fait. Plus généreux que le Père Noël et plus drôle que le bonhomme hiver, plus sexy que la fée des étoiles encore, c'est notre cadeau de Noël à tous, le reporter tout-terrain Jean-Sébastien Girard qu'on va retrouver. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir Jean-Philippe Vautier, comment allez-vous? Super bien. C'est vrai ça? Ben oui, quand même. Cool. Vous nous parlez de quoi ce soir? Ben oui, c'est ça. Alors, j'ai lu cette semaine qu'un Canadien sur 10, Jean-Philippe, croit que la fin du monde va arriver aujourd'hui ou à tout le moins dans les prochaines années, arrêtez au maximum donc. D'ici 10 ans. Donc, évidemment, on pourrait être porté à vouloir tous enfermer ces gens-là à sécurité maximale, mais en tant que diffuseur public, on a le devoir d'offrir à ces gens-là des pistes pour se préparer au pire. Oui. Et c'est pourquoi je me trouve actuellement dans un refuge qu'on appelle un bunker chez quelqu'un sur la rive sud, dont l'endroit est gardé secret. Oui. Ce bunker appartient à M. Victor, un survivaliste de 47 ans qui tient le blog Préparation et survivalisme. M. Victor, bonjour. Bonjour. Bon, alors, dites-moi avant tout, c'est quoi ça, un survivaliste? Ben, c'est d'abord une personne qui développe son autonomie, sa résilience face aux aléas de la vie. Ça peut être une perte de revenus comme un tremblement de terre majeur. L'idée, c'est de jamais se laisser prendre au dépourvu, ni par les événements, ni par les gens, et de dépendre de personne pour continuer à vivre. Alors, mon autre question, c'est, est-ce que vous savez qu'une bonne médication, généralement, ça peut venir à bout de l'anxiété chronique? Oui, ben écoutez, nous sommes peut-être anxieux, mais les catastrophes, que ce soit personnelles ou collectives, elles arrivent. Le verglas, les inondations du Saguenay, Montérégie, la crise d'Oka, tout ça, ça arrive. Alors, pensez que tout va bien, tout le temps, c'est de la pensée magique. On est un peu réaliste, je dirais. Maintenant, il y a quand même un 10% de la population qui veut savoir. Nous sommes le 21 décembre 2012. Est-ce que vous croyez qu'il y a quand même une petite chance que la fin du monde arrive dans les prochaines minutes? Écoutez, je vous rassure tout de suite, c'est sûr qu'il n'y a pas de fin du monde aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bien plat. Oui, attendez. Puis je vous promets que ça n'arrivera pas en 2013 parce que cette année, j'oublierai pas l'anniversaire de ma femme. Ben voyons, ben vous faites de l'humour en plus. Ça n'a pas de mots du bon ben sens. Alors, c'est la raison. Ben alors, oui. On est rassurés, évidemment, qu'il n'y a pas de fin du monde. Le seul désavantage, c'est que ça ne nous a pas épargné de la prochaine chronique de Fred Savard qu'on va écouter et on vous revient tout de suite après. Merci beaucoup. Écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur la première chaîne, une émission qui contient presque autant d'extras que le Centre hospitalier de santé McGill. Ben oui, c'est maudit pareil. Hein? Ben oui. Fred, vas-y. Ben, difficile de pas revenir, hein, de pas revenir sur la polémique entourant le départ de Gérard Depardieu vers la Belgique. Un départ qui fait beaucoup jaser en France et même ici. Hein. Et je trouve que c'est une bonne occasion de parler de la France. On n'en parle pas souvent, la soirée est encore jeune. Mm-hmm. Probablement parce qu'on s'en sacre pas mal. Mais surtout parce que depuis que Montréal est envahi par les jeunes Français qui fuient leur mère patrie, on a l'impression que le plateau Mont-Royal est devenu un nouveau dom-tom de l'Hexagone. Ainsi donc, GG ira s'installer dans le village de Néchin, à moins d'un kilomètre de la frontière française. Et ce ne sont pas pour les charmes du plat pays qu'il quitte la France qui l'a rendu riche, mais surtout pour ne pas payer ses impôts. On parle donc ici non pas d'un exode des cerveaux, mais bien d'un exode fiscal. Avouons-le, les chiffres qu'il donne pour justifier de faire dans les mains des Français sont vertigineux. Selon lui, il aurait payé 145 millions d'euros en impôts depuis 40 ans, ce qui équivaut, pour les plus vieux qui nous écoutent, à environ 800 trillions d'anciens francs. C'est énorme. il faut savoir que Depardieu ne va pas tellement échapper à l'impôt, puisque le taux marginal de Belgique est à 50%, alors qu'en France, il est à 41% cette année. Mais c'est sur l'impôt sur la fortune que GG s'en sauvera, même si de l'avis de plusieurs fiscalistes français, Depardieu est franchement burlesque de ne pas avoir su profiter des 438 niches fiscales existantes en France qui permettent chaque année aux mieux nantis de continuer à couler des jours paisibles alors que l'Europe se dirige, comme Gérard en scooter, vers un mur. Heureusement, plusieurs personnalités publiques se sont portées à sa défense. Il y a Brigitte Bardot qui est venue à sa rescousse, le confondant probablement avec un Blanchon de 400 livres. Il y a aussi Raël, un homme qui se connaît en matière de pas payer d'impôts, lui qui a quitté la France pour s'installer au Québec afin de profiter davantage fiscaux, ce qui lui a permis de s'acheter un magnifique domaine de 11 000 arpents sur la planète Neptune sans avoir à payer la taxe de bienvenue. Évidemment, nos chroniqueurs de droite ont pris la défense de Depardieu, mais seulement depuis qu'il a décidé de ne pas payer ses impôts, parce que pas plus tard qu'il y a deux semaines, il était encore considéré comme un maudit BS de luxe sale suçant les mamelles de l'État. Mario Dumont a même tenté de nous émouvoir en rappelant que GG était d'origine ouvrière et que c'est à la sueur de son front qu'il est devenu riche. C'est vrai que Gérard a effectivement joué dans Germinal, mais visiblement, il n'a pas retenu la leçon du film, seulement le texte. Et là, Monsieur Curzi, vous êtes là devant moi sans vouloir discréditer le métier d'acteur. Hein. J'y touche moi-même de temps en temps. D'ailleurs, j'invite les gens à se procurer le coffret de la série Les Rescapés 2. Ça se met tellement bien sous le sapin. Vous jouez un policier, je pense. Hein? Oui, un excellent inspecteur Groslot. On va s'entendre pour dire que ce n'est pas le métier le plus exigeant hein, et que la sueur au front provient surtout des longues heures d'attente dans une loge à lire le journal que de venir dire ces 10 répliques non, entourées mais... de gens bien payés pour répondre à vos moindres besoins. Mais Fred, j'ai pas fini. Ah, pardon. Cela dit, nos chantres de droite ont profité de l'incartade de GG pour nous rappeler combien les riches sont importants pour la société et que leur faire payer de l'impôt est une très mauvaise chose puisque les sommes qu'on ne leur soutire pas sont automatiquement réinvesties dans la société par l'heureux principe du ruissellement de la richesse qui s'applique aussi à Depardieu, même si dans son cas, ça s'accompagne aussi souvent du ruissellement des fluides corporels. Je vous entends par contre vous demander une question cruciale. Est-ce que la richesse rend con et de droite? Voilà une erreur à ne pas faire puisque la réponse est non. Pour tous les Jacques Villeneuve et Gérard Depardieu de ce monde, il y a heureusement un Michel Sardou, par exemple, un chanteur assez riche et de droite, hein, qui a tout de même réitéré son intention de demeurer en France malgré la crise financière parce qu'il estime avoir beaucoup reçu de la France et qu'il est temps de partager. Et vous-même, Jean-Philippe Vautier, vous qui êtes si riche, j'ose croire que Gérard Depardieu, ne riserez pas en Alberta pour animer une émission d'humour incroyablement bonne comme la nôtre, afin d'éviter de payer vos impôts, parce que je vous dis tout de suite, tel un Michel Sardou de la chronique, je resterai ici pour nous sortir de la crise. Ah, oh, merci, frère. Oh, bravo, bravo. Mais sur le métier d'acteur, frère, c'est les premiers rôles qui sont exigeants. Vous connaissez pas ça? Qui exige travail et talent. On va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Seb? Ah, Jean-Philippe. Ouais, c'était pas si pire que ça, la chronique de Fred, finalement, je vais vous dire. Ah, vous trouvez? Alors, je suis toujours dans le bunker de M. Victor, survivaliste, qui se prépare au pire. Donc, comment concrètement on se prépare à une catastrophe? Là, vous avez ici d'innombrables bacs Rubbermaid. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, d'abord, je me prépare pas à la fin du monde puisque je vais me souvenir de l'anniversaire de ma femme. Mais, en fait, je me prépare au cas où les réseaux de distribution tomberaient, par exemple, les épiceries, les réseaux de transport. Dans nos bacs, on a des bines, du riz, des conserves commerciales, des conserves maison, avec de la viande, des fruits, des légumes, préservés pour 25 ans. Ça a l'air bon. Et combien de temps vous allez pouvoir survivre avec ces aliments-là? Pour notre famille de 4, on estime 4 à 6 mois. Et si on compte en unité de Pardieu, peut-être 2 semaines. Il y a de l'écoute? Alors, moi, en revanche, si j'ai le choix de passer plusieurs mois dans votre sous-sol, tout seul avec votre femme à manger des bines, ou mourir avec tout le monde dehors, me semble que le choix est évident, mais je pense que pour vous, c'est pas le même choix. Non, mais en fait, il y a très peu d'événements qui nous feraient souhaiter de mourir plutôt que de souffrir, puisque justement, ma famille et moi, nous sommes préparés. Mais c'est ça l'idée, c'est de réduire notre vulnérabilité, faire des réserves en cas de pénurie et nous assurer de pouvoir continuer à dépiter ces circonstances. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour survivre physiquement, mais il faut survivre mentalement aussi. Il faut que vous ayez des loisirs, du divertissement. Alors, je vous ai apporté des cadeaux, des trucs que vous pourrez utiliser. Alors voilà, dans votre sac, ici, ben, tout d'abord, je vous ai fait un CD avec les meilleurs jokes de Fred Savard. Alors, 8 minutes de franche rigolade que vous pourrez utiliser. Moi, à coup de 8 minutes, ça va être long. C'est bien long. Aussi, j'ai apporté le livre « Maman, la scale », toujours pratique hein, dans un apocalypse, hein, si vous désirez allumer un feu. Et je vous ai aussi apporté, ben, vous allez avoir besoin de sensualité, évidemment. Alors, je vous ai apporté un DVD du déclin de l'Empire américain. Vous pourrez passer les 25 prochaines années à regarder les boules de Geneviève Rioux pendant qu'elle branle un député indépendant. Un DVD un membre indépendant du Parlement. Oui, mais moi, je vous inviterai à arrêter quand il vient pour dire « Attendez, je jouis, c'est pas bien beau à ce moment-là. » Alors, ben, écoutez, maintenant, on va se retrouver dans quelques minutes. On va jouer à s'imaginer qui on a envie de sauver et qui on a envie de voir mourir dans le cas d'une fin du monde. Hey, ça va être drôle. À tout de suite. Merci, Jean-Sébastien. Merci à beaucoup. À tout de suite. Mon Dieu qu'on rit. Fred Savard, notre deuxième invité, s'il vous plaît. Chroniqueuse à la presse, romancière, scénariste, notre invitée ne crée pas de polémique depuis ses débuts il y a presque longtemps. Et contrairement au titre d'un de ses romans, elle n'est pas encore prête au Lascal. Accueillons Mme Nathalie Petrovski. Mme Petrovski. Là, tout à l'heure, j'ai été un très mauvais hôte. J'ai oublié d'offrir une bière à M. Curzi. Est-ce que vous voulez une bière, vous? Ben non, j'ai de l'eau. Ah, ben mon Dieu. Ouais, ça va, je suis à l'eau. Ben oui, OK. Comment vous trouvez ça chez nous, le décor? Les fauteuils? Cool. C'est-tu plus le fun qu'au 10-30, le nouveau cinéma VIP? Oui. Oui? Okay. C'est brun un peu, mais moins brun. C'est un plus beau brun. Mm-hmm. Faut savoir faire le brun, hein? On le dit jamais assez, d'accord. Je suis d'accord. Vous avez écrit récemment une chronique qui a fait tout un buzz. Ah oui? Hein, oui. Sur, justement, ce nouveau... une salle de cinéma, quoi, VIP? Top VIP. Quality? Oui. Ouais, vous avez écrit... Je vais le lire, puis je trouve ça drôle. Bien franchement, si les sièges avaient été plus confortables et moins bruns, j'aurais été prête à braver le pont Champlain, à me perdre dans la Sibérie préfabriquée du 10-30. Je suis d'accord avec vous. là-dessus. Et à flamber 60$ pour le bonheur de voir le Hobbit en sirotant un verre de vin. Mais comme je ne peux ni changer la couleur ni le matériau du mobilier, il ne me reste plus qu'à attendre qu'un cinéma lounge ouvre dans un endroit civilisé, genre Montréal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette chronique-là. Mais d'abord, est-ce que cette émission est diffusée à Brossard? Oui. Mais je pense pas que les gens sont dans une sont en forêt là-bas, ils captent pas le ou dans leur bunker, fait que c'est correct. On est correct. Ouais, okay, ouais, ouais, ouais, ouais. Okay, on est correct. Alors ma première question c'est fait comme ça le brun c'est pas votre couleur préférée? Non, ben ça dépend des bruns. Il y a des beaux bruns chocolat que j'aime bien, mais celui-là, je ne l'aimais pas trop. Donc, c'est quoi? C'est une vingtaine de dollars pour aller voir un film, mais on est seul, on est bien, il n'y a pas d'enfant. Oui, ça, c'est vrai, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'ado. C'est-à-dire, ça commence à 18 ans, mais à 18 ans, ils n'ont pas 18 et 50. Puis là, à deux, là, ça fait quand même. Non, c'est ça. Ça fait 40 piastres. Ouais. Plus le verre de vin à 14 et 50. Oui, mais ça, on c'est le gros verre de vin. Oui, mais on n'est pas obligé, là. Mais là, ben non, c'est mais là, excuse-moi, là, mais à quoi ça sert d'aller Regarde. Si tu vas là... Ben, m'en prendre une bière, d'ailleurs, moi, là. Non, mais gars, je me sens mal. Mais si tu vas là... Si tu vas là, c'est pour boire. Ouais. Sinon, il n'y a aucun intérêt à payer 18,50 pour boire. Je vous cinéma pour bien, j'amène mon flas. Quoi? Ben là, vous êtes tagué, Fred, vous pourrez plus y aller. Mais là, justement, ça a produit beaucoup de réactions. À Brossard. Ben, en fait, parce qu'il y a du monde qui aime beaucoup le 10-30, je sais. Il y a la Ligue de la défense du 10-30. Mais moi, ça reste à voir. Hein? Ouais. Pour m'être perdu là une fois, oui, ben, c'est je veux dire, c'est une bonne chance qu'on ait des lois sur les fusils. Ouais. Hein, moi, je suis déçu qu'on ne puisse pas rentrer dans les magasins en auto. Moi, je pensais que c'était ça le concept. On rentre. On se donne un swing. Faut quand même marcher un peu. Oui, ouais, quand même. Mais il y a des gens qui ont dit, bon, tant qu'à vomir sur tout ce qui n'est pas Montréal, restez-y. Non, mais quand même, j'ai fait l'effort anthropologique d'y aller. Je veux dire, j'aurais pu... Non, j'y suis allée. Je me suis perdue. Oui. Mais j'ai finalement retrouvé mon chemin. Et puis, écoute, j'y suis allée quand même à quelques reprises, quand même. Hein, pas juste une fois. Ah, pas rien qu'une fois? Ouais, quand même. Vous êtes une Montréalaise, vous, hein? Deux, trois fois. Et à chaque coup, ben voilà, c'est ça. À chaque coup, je ne savais plus comment en sortir. Ça, c'est aussi le problème, mais bon, mais j'en suis sortie. C'est quand oui. même pas la première fois que vous soulevez des polémiques. Hein? Oui. C'est à se poser la question, là. Oui. Est-ce que vous êtes tanné des fois d'avoir une opinion? C'est une bonne question. Ben, je sais bien, on stand des fois. D'avoir une opinion, on stand de mon opinion. Ouais. Ou est-ce qu'on stand de devoir avoir une opinion? Oui. Et oui, et d'abord, je n'ai pas toujours une opinion. Non, ben je disais, quand on ça, c'est la première affaire. Okay. Oh, oui, mais là, quand j'écris, j'essaie d'avoir une opinion. Des fois, je force un peu la note. Ah, c'est ça. Mais c'est, là, c'est il y a des sujets naturels. Ça, j'avais une opinion. Oui, ben parce que, évidemment, vous avez parlé récemment. Le cinéma, c'est quelque chose. Hein. On lisait ce que notre ami Vincent Guzzo, il est drôle, lui, disait sur le cinéma québécois. Mon ami. Oui. Votre ami aussi? Vincenzo. Vincenzo. Ah, ouais, on s'est bien italien. Au 357C, on est tout le temps ensemble en train de prendre un petit verre. Cela dit, vous vous êtes un peu insurgé sur le fait que Vincent, oui. Vincenzo, c'est un peu. Ben, en fait, critiquer le cinéma québécois pour faire des maudits films intellectuels plates. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu vrai. Comment ça, c'est un peu vrai? Ben, je veux dire, c'est déprimant que le maudit. On va pas repartir ce débat-là. D'abord, il y a eu un petit automne tristounet. Okay? Ben oui, c'est un peu. On est d'accord. Yeah, bon. Mais bon, qu'est-ce que c'est un automne dans toute la cinématographie québécoise depuis 30 ans, n'est-ce pas, Pierre? Ben oui. Puis en plus, le pire, là, c'est que Vincenzo, là, avec des petits les films qu'il aime pas, là, comme genre Monsieur Lazare, parce que c'est plate, soi-disant. Au Benoît Incendie, ça se passe c'est dans du une feu. Place. Il n'y a pas de hockey là-dedans. Ben exactement. Ben, il a fait beaucoup d'argent avec eux autres. Bien plus qu'avec l'APA. Oh, hey boy, the boy. L'APA. L'APA, malheureusement, c'est vrai. Enfin, heureusement. Avez-vous vu Omerta, vous? Oui. Puis, attends. Oui, non, mais c'est une question comme ça. Faut-tu en parler? Oui, on est obligé. Pas du tout. Mais non, parce qu'en plus, la loi du silence. Ah, ben c'est ça. Vaut mieux. C'est ça. Vaut mieux. La loi du silence. Ah, mais j'ai trouvé que René Angélil faisait bien de s'occuper de la carrière de Céline Dion. Oui. Et que, parce que finalement, ben non, mais... comme acteur. Il y avait deux, trois lignes. Il y avait deux, trois lignes. Non. Wow. Il n'y avait pas deux, trois lignes. Il était là tout le temps. Sauf que chaque plan, il était là. C'était mais faut bien rentabiliser l'investissement. Quand on a René Angélil, moi, je mets 5 cams là-dessus, puis je tourne. Ouais, je comprends, mais quand on a René Angélil, on devrait faire au moins 20 millions au box-office, ce qui n'a pas été le cas. Il a fait combien? 2 millions? Ouais, 2,9 millions. Bon, 3 millions, c'est bien quand même. Ben, c'est plus que Jerry. Mais sincèrement, oui. Mais quand même, Jerry a fait 1,9 millions. Mais mon Dieu, attaquez-moi pas avec votre micro, vous. Mais... Ah non, c'est pas tant plus que ça, ça veut dire. Puis d'ailleurs, Vincent Guzzo a fait de l'argent avec Jerry. Arrêtez donc. Ben oui, c'est sûr. Qui a fait de l'argent avec Jerry? Ben, pas moi, en tout cas. Mais non, mais là, on parle évidemment de la bio de Jerry Boulet que oui, vous avez écrit. Je vais vous donner, hein? Vous l'avez écrit, ça? Oui, je l'ai écrit. Vous êtes scénariste? Oui, c'est quand votre prochain film, là, on attend? Ben, bientôt. Enfin, non, pas tout de suite. Ah, OK, ben ouais. Racontez-moi pas des menteries. Non, excusez-moi. Mais là, parlant de choses que vous voulez pas dire ou vous voulez dire puis que personne veut entendre, là, si je pose une question, Pierre Curzi, là, meilleur comédien ou meilleur politicien? Je lance ça comme ça. OK. Ben, moi, j'ai un regret. J'aurais tellement aimé l'avoir comme ministre de la Culture. Ben, c'est ça qu'on se dit. Ben oui, ça, c'est mon grand regret. Le grand regret de ma vie, faut pas charrier. C'est ça. Mais c'est un des regrets. Mais justement, je lisais que vous aviez été quand même assez satisfaite de Macacoto. Cette histoire-là d'inviter les 22 conseillers là, à venir au Québec pour s'imprégner de la culture québécoise. Ouais. Tout le monde, en fait, s'est insurgé là-dessus. Oui. Même nous, ici. Ah, hein. Ouais. Mais on n'avait pas vraiment lu l'histoire. Non. Puis en lisant... Mais c'est le fun de rire avec le PQ. Ben ouais. Mais là, j'ai lu votre chronique et là, j'ai compris. Je me suis dit, ah ben, c'est ça que ça sert des fois des chroniqueuses. À nous apprendre des choses. Des choses tellement passionnantes, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai parce que, en fait, c'est juste un délateur anonyme qui a parti de toute cette histoire-là. À l'intérieur du PQ, là, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Non, il devait pas être du PQ. Non, je pense que c'est un ancien libéral. Ils sont tous libéraux. Ils ont tous été nommés sous les libéraux. Oui, c'est vrai. Les caquistes, pas encore. Mais cela dit, pour avoir voyagé un petit peu de par le vaste monde et d'avoir vu quelques délégations et d'avoir justement dealé, c'est pas un mot français, mais négocié ou enfin parler ou demander des informations à ces conseillers culturels, ils ont un rôle, ils ont une super belle job. Moi, je vous l'apprendrai n'importe quoi. Mais ils ont une fonction, puis il faut bien qu'ils sachent. Ils sont pas au Québec, il faut bien qu'ils sachent ce qui se passe au Québec, n'est-ce pas? C'est un bon argument. Bon, quant à Macacoto, c'est à peu près son seul bon coup jusqu'à maintenant. Ben oui, mais c'est vrai que c'est un jour qu'il est là, monsieur. Il faut lui laisser le temps. Oui, c'est ça. Mais tout ça, toujours est-il que vous ne m'avez pas répondu. Meilleur comédien ou meilleur politicien, Pierre Curzi? Ah oui, OK. Tu veux dire comédien? Ben, merci beaucoup, c'est Nathalie. Déjà fini? Ben, oui, mais non, vous restez encore. Ça n'a même pas été douloureux. Ben non, j'en ai d'autres. Des questions, peut-être? Restez avec nous. Là, on va écouter la chronique d'Olivier Niquette. Présentez-nous notre prochain chroniqueur, justement, Fred. La jambonisation de la radio n'est jamais apparue aussi grande depuis qu'il chronique sur le sujet et il en remet cette semaine, même si le four est déjà plein. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Eh bien, grosse semaine pour les chroniqueurs de tous les médias qui n'en avaient que pour la tuerie de Newtown. Un sujet délicat récupéré de tous bords, tous côtés, mais... Je vous épargne de toutes les énormités que j'ai pu entendre autour de cet événement pour ne retenir que les subtiles allusions que font ceux qui, comme Mario Dumont, voient dans n'importe quelle situation l'occasion d'envoyer de petites pointes à leurs adversaires. Il l'a d'ailleurs fait en associant le radicalisme de la NRA à celui des environnementalistes et en se réjouissant que les enseignants aient à la fois confronté le tueur et les discours syndicaux. Malgré certains discours syndicaux qui, des fois, nous disent « as-tu encore une vocation d'être enseignant ou enseignante? » Disons que là-bas, on l'a vu, là, les enseignantes qui sont carrément, ça, c'est documenté, là, qui sont toutes mises dans le chemin du tueur. Contre vents et syndicats, que de courage de la part des enseignants. Lundi, Sylvain Bouchard du FM 93, fier porte-parole de la droite, donna à ses auditeurs un petit truc pour obtenir de meilleurs soins de santé. Faut pas trop en parler, là, mais Sylvain, il connaît un maudit bon système de santé, là, pas comme notre système socialiste, là, puis c'est seulement 4 heures d'avion d'ici. Je sais que ça paraît stupide ce que je vais dire là, mais pensez-y comme faut. Là. Plutôt qu'à l'attendre 24 heures à l'urgence, là, OK? Tu t'en vas, tu te prends une assurance voyage, tu prends l'avion, tu t'en vas à Cuba. Tu passes Texas à la plage un peu. Là, tu t'en vas au bureau du médecin. Tu te fais soigner. Mieux qu'ici. Bien mieux soigné qu'ici. Eh oui, après la gauche efficace de Jean-François Lisée, voici la droite guidoune de Sylvain Bouchard. Mais Sylvain Bouchard n'est pas le seul à vouloir s'expatrier. Son nouveau chroniqueur en Montréal bashing menace lui-même de quitter la métropole. Je parle bien sûr de Régent Tremblay qui, lorsqu'il sévit à Québec, abandonne le sport pour surtout gémir contre les embouteillages et les conducteurs un peu pissous quand il neige. Ici, à Montréal, le monde a peur. Le monde a peur. Ils ont peur. Et ils ont peur. C'est peut-être parce qu'ils lisent trop la presse du plateau. Ça, là, ça, c'est plateau. Tu lis la presse et ça sent le plateau. Eh oui, Montréal est bien peu représentatif du Québec qui joue du bric-à-bras dans Slush et qui sent le Journal de Québec. Mesdames et messieurs, une épée de Démoclès pend au-dessus de Montréal. Le Montréal francophone, là, est en train de se même se déconnecter. C'est vraiment, il est en train de se faire une dichotomie. Espérons juste, Jean-Philippe, que cette dichotomie ne vous empêche pas d'aller à Chicoutimi pour Noël. Pourtant, Régent devrait se réjouir puisque Montréal regorge de nouvelles infrastructures pas mal tripantes. D'ailleurs, Stéphane Gendron, le maire de Huntington, a un petit fait pour le nouveau joyau de la Rive-Sud, l'autoroute 30. Une œuvre d'art magnifique, vraiment, et on sauve en 30 et 45 minutes par trajet. Alors, parlez-moi pas de souveraineté, j'en ai rien à foutre. Parlez-moi pas de la langue, j'en ai rien à foutre, parce que ça, c'est du développement économique. Mm-hmm. Est-ce que c'est dans l'air qu'ils vont appeler ça l'autoroute Jean-Charles? Ben, j'aimerais ça. Non, c'est moi qui ai sorti ça ce matin, mais franchement, là, s'il faut retenir quelque chose de ce gars-là, c'est toujours bien lui qui l'a fini. Mm-hmm. Ah! On a enfin trouvé c'est quoi l'héritage de Jean Charest, 50 km de bel asphalte. Revenons en terminant sur le départ de Jacques Villeneuve vers la principauté d'Andorre, puisque Jeff Fillion, c'est un peu fâché contre tous ceux qui, comme vous, Fred et Jean-Philippe, ne comprennent pas que c'est lui qui paie vos salaires de subventionnés. Pour Fillion, il ne reste qu'une seule solution. Excusez-moi, Jacques Villeneuve est très brillant. Il s'est dit contre les carrés rouges, donc il ne peut pas être brillant. Mais ça, là, des réactions de même, c'est ça qui va nous tuer. Et c'est ça qui nous prouve que le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est une dictature. C'est le seul moyen. Tu pourras pas raisonner ce monde-là. Ah, c'est tellement vrai. D'ailleurs, sous une dictature, là, on ne parlerait même plus de Jacques Villeneuve puisqu'on aurait remisé sa voiture au goulag après sa dernière bonne performance il y a 15 ans. Maudit qu'on serait bien, hein? Merci, Olivier. Mon Dieu! Vous le savez, un grand musicien est décédé la semaine dernière, hein, et il laisse dans le deuil votre animateur préféré de Radio X Jazz, Kevin Gosselin. D'ailleurs, on écoute son témoignage. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des Airs d'Arien sur les ondes de Radio X Jazz. Kevin Gosselin avec vous pour les 9 prochaines heures. J'ai reçu plusieurs courriels depuis ce matin des auditeurs qui se demandent si le moton que j'ai dans la voix ne serait pas à cause des faibles codes d'écoute que recueille la Radio X Jazz comme nous le montraient les derniers PPM. Oui, c'est vrai, une part de marché, c'est peu. Mais il ne faut pas oublier que nous n'avons pas les moyens financiers des radios de gauche comme le 98.5, le NRJ, c'est quoi, qui sont, on le sait, à la solde des communistes qui gouvernent notre belle province. Non, le moton que vous écoutez est dû au décès du grand Dave Brubeck, survenu la semaine dernière. Dave Brubeck, dernier grand jazzman blanc qui civilisa cette musique, l'a rendit plus accessible, plus inclusive. Le meilleur exemple est la pièce Take Five, hein, ça le dit, Take Five. On ne peut être plus inclusif. Et en hommage à sa mémoire, je diffuserai l'intégrale de l'œuvre de Dave Brubeck en fin d'émission, c'est-à-dire l'album avec Take Five pendant 32 minutes. Mais en attendant, je vous propose de vous recueillir en écoutant une autre pièce presque aussi connue de son répertoire, Take Five. Vous écoutez Radio X Jazz, le 91, blanc. On va aller retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Rebonjour. Toujours en train de parler de la fin du monde avec Victor, un survivaliste. Et ce que je disais tantôt, c'est que moi, ce que je trouve intéressant dans les films d'apocalypse, c'est on se demande souvent durant le film qui on va sauver, qui on va laisser mourir. Alors, si vous voulez bien, Victor, on va jouer à ce jeu-là. Je vous ai apporté ici des photos de personnalités publiques. Vous me dites, selon vous, si on les sauve ou non. Si ces gens-là cognent à votre porte, qu'est-ce que vous dites? Alors, la première photo, la belle Nathalie Petrovski, même si je sais ce que plusieurs artistes répondraient, je vous le demande à vous, vous faites quoi avec elle qui cogne à votre porte? Madame Petrovski. Maintenant, deux gars cognent à votre porte, Jean-Philippe Bottier et Fred Savard. Lequel des deux on sauve? Bon, écoutez, je pense que je préférais laisser entrer Philippe Lagueux. Il est drôle, lui. C'est bien envoyé. Alors, malheureusement, c'est pas rendu. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite évidemment que la fin du monde arrive parce que c'est quand même le but de votre vie. Et je vous souhaite de passer un beau 25 ans dans votre cave avec votre femme et vos bines. Joyeuse fête. Merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Il risque de terminer notre saison 2012 comme il l'a commencé, c'est-à-dire en fines analyses mordantes et ironiques, inspirées de notre délicieuse classe politique. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Ben oui. Je suis en train de me remettre. Oui, on a beaucoup parlé d'italien ici. Hein? Bien attention à ce que vous dites. Ben oui, tout à fait. Jean-Philippe, on a souligné une date importante. On en parlait un peu plus tôt là, à Québec cette semaine. Ben oui, mois aujourd'hui même que Yves-François Blanchet est ministre de l'Environnement. Le sang qui a pété une coche au BAPSA, même les Mayas ne l'avaient pas vu venir d'ailleurs. mais je parlais plus des 100 jours de Pauline. Ah oui, justement. J'ai arpenté les corridors de l'Assemblée nationale toute la semaine passée là, pour porter un toast. Mais on m'a dit qu'elle était partie enregistrer les pubs du bye-bye. Donc, malheureusement, fait que moi, puis le gardien de sécurité, puis la statue Duplessis, on a trinqué un peu, puis on a jasé de ça. 100 jours quand même. 100 jours pas faciles, on peut le dire, parce que marcher à reculons pendant tout ce temps-là, ça fait mal au talon d'Achille. Oui, puis c'est bien banal. Et vous savez, l'élection de Mme Marois, c'est la nouvelle de l'année au Québec en 2012. Ça, c'est selon Influence Communication. Ouais. Devant la grève étudiante, devant la commission Charbonneau, devant le vidéoclip Brume de ta bouche d'Éric Lapointe. Devant ça? Ah oui. Et souvenez-vous qu'il y a un an, quand même, on donnait pas cher de sa peau. Là. Gilles Duceppe s'en venait faire un putsch. Bernard Drinville disait que le PQ était menacé de disparition. Ouais. François Rebello partait à la CAQ. Qui? Bon, ben ça, finalement, c'était peut-être la bonne nouvelle. Donc, 100 jours où ça n'a pas été facile, il faut les comprendre. Plusieurs ministres étaient assez néophytes. C'est comme avoir une quinzaine de Samamad dans son... dans son gouvernement. Dans son gouvernement. Là, dans fait... son sauna. Oui. Puis Pauline a changé d'idée souvent. Elle a gouverné un peu au pif. Là. D'ailleurs, parlant d'attributs faciaux, là, avez-vous remarqué que chaque fois qu'elle parle, Jean-François Lisée remue les lèvres? Justement. Mais non. Mais elle a quand même usé de tous ses talents pour trouver des consensus. N'oubliez pas qu'avant d'être députée de carrière, Mme Marois est travailleuse sociale. C'est vrai. Donc, dans 30 vies, elle serait Dan Bigra. Ah! Puis, en plus, elle a une maîtrise du HEC. Donc, au téléjournal, elle serait Gérald Filion. Puis, elle a entendu 30 ans avant de jouir du poste de premier ministre. Là, dans le déclin de l'Empire américain, elle serait Pierre Curzon. Ouais. Mais là, c'est Noël. Qu'est-ce qu'on offre en cadeau à nos politiciens? Bien, évidemment, j'ai demandé aux internautes de nous envoyer leurs suggestions. Alors, pour Pauline Marois, c'est assez simple. Un rétroviseur, je crois que c'est de mise. C'est une question de sécurité. Daniel Breton, il y en a qui disaient un panier de Noël. Moi, je dirais un cours de yoga. Hein, ça pourrait calmer un petit peu les choses. Et un bac de recyclage. Oui. Philippe Couillard, on lui suggérait une chaufferette pour lui donner un peu de chaleur. Raymond Bachand des Échasses, un peu pour se hisser au-dessus de la mêlée. Et Pierre Moreau, lui, il a déjà un poignard à dos. Alors, on n'a pas besoin de lui en offrir un, mais peut-être une belle médaille en chocolat, parce que de toute façon, c'est de même que ça risque de finir. Jean Charest, qui a déjà ses pantoufles pour la retraite, peut-être un beau poste de délégué général. Là. Il aime ça voyager, puis il aime ça les doubles salaires. Donc, je pense que ça pourrait bien y faire. Ouais. François Legault, là, ceux vraiment qui m'ont dit « Donnez-y des antidépresseurs », c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je pense qu'un jeu de cartes pour passer le temps, c'est bien, bien suffisant. Ouais. Et Jean-Martin Hossan, un cône orange, il traîne ça à côté de lui, là, tout le monde va le voir. Moi, je pense que ça, c'est infaillible. Au fédéral, Stephen Harper, bon, pas de cadeau parce que ça a l'air qu'il n'en fait pas lui non plus. Okay. Mais Justin Trudeau, bon, il y a des mauvaises langues qui m'ont dit on va lui donner une personnalité, un sens de la réflexion. Non. On va être matériel, on va lui donner un gun. Comme ça, il va se sentir vraiment canadien. Ben oui, enfin! Ben merci beaucoup. Ben, en terminant, Denis Coderre lui a demandé un conseil municipal à Noël. Mais vous savez, Vautier, comment le Père Noël est une ordure. Alors, on verra bien. Merci, Jean-Philippe. Merci énormément. C'est déjà tout pour ce soir. Et c'est notre dernière, notre avant-dernière, en fait, en 2012. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret Plus on est de fous. Ensuite, c'est Bande à part qui est animé par Alex Courteau. Merci à l'équipe Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Jean-Sébastien Girard, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté, Nicolas Guindé, Philippe Robert. J'ai un gros merci à nos invités de ce soir. Pierre Cusion, Pierre Curzi, excellent. et Nathalie Petrovski, ben, on vous lit dans la presse et on vous voit au cinéma. Oui, oui. Audio à 20$. Exactement. OK, parfait. Quant à nous, vous n'oubliez pas notre spécial spécial de fin d'année de 2 heures. C'est en ondes le 31 décembre à 18h. On est de retour le 11 janvier. Et nos invités, Régent Hébert et Alain Vadeboncœur. On va jaser santé. Ouais, ouais. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette année qui est décidément de moins en moins jeune. Joyeux Noël tout le monde! Yeah!